Le meilleur humoriste de l'année. Jean-Marie Bigard. Moi, je voudrais essayer d'avoir un point avec une blague d'avion pour rassurer les gens. Allez-y. Alors, c'est deux homosexuels qui sont dans un avion. C'est un long courrier. Le repas a été distribué. On éteint les lumières. Et hop, c'est le calme complet dans l'avion. Il y en a un, il dit à l'autre, il dit « j'ai envie de te prendre ». Il dit « tu déconnes ou quoi ? On est dans l'avion, là ». Il dit « je te dis, j'ai envie de te prendre. Vas-y, baisse ton froc, j'ai envie de te... » Il dit « mais t'es fou, t'es complètement fou !» Il dit « personne n'entend rien ». Il dit « écoute, tu vas faire une expérience. Demande, par exemple, très fort, si quelqu'un a un stylo. » Alors, le mec, il s'exécute, il dit « est-ce que quelqu'un a un stylo, s'il vous plaît ?» Et là, calme plat, personne ne répond dans l'avion. Il dit « tu vois ? Je l'avais dit. Allez, vas-y, baisse ton froc, l'autre. Il l'embourbe pendant tout le voyage. Et au petit matin, l'avion, il arrive, l'hôtesse, elle passe à les passagers, arrive vers une vieille dame, elle dit, ça s'est bien passé votre voyage, madame? Elle dit non, j'ai grelotté toute la nuit. Oh, ben, elle dit, fallait nous demander une couverture. Oh, elle dit, sûrement pas. Il y a un gars derrière, il a demandé un stylo, là, toute la nuit. Ça va réconcilier tout le monde avec l'avion, effectivement. Ah oui. On a perdu Cyril. C'est une institutrice, elle est dans sa classe, et elle dit, voilà, maintenant, on va parler un petit peu de vos parents, des métiers de vos parents. Donc, elle interroge les enfants, et toi, ton papa, il fait quoi? Dis-moi, les gendarmes. Elle dit, et toi, plombier, boulanger, tout ça. Puis elle arrive à un petit garçon, elle dit, et toi? Et le petit garçon, il dit, moi, mon père, il est gogo danseur. Il danse à poil sur un bar pour faire consommer les clients, et quand le client, des fois, il paye bien, il couche avec lui. Donc, l'institutrice, je vois la tête de la principale qui est là, elle change de conversation. Arrive le moment de la récréation, elle est quand même un peu inquiète, elle va voir le petit garçon, elle dit, attends, dis-moi, c'est vrai, ton papa, il est gogo danseur? Il lui dit non, bien sûr que non, mon père, il travaille à Europe 1 avec Cyril Hanouna, j'allais pas dire ça à tout le monde. Merci Jean-Marie, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mon Jean-Marie. Alors, on en a une autre, hein, je crois. Ben oui, c'est un vieux monsieur, il est en face d'un punk dans le bus, qui est très remonté, il a la crête complètement hérissée, comme ça, de toutes les couleurs. Et à un moment, le vieux, il regarde le punk comme ça, puis il se met à sourire. Alors le punk, il dit, oh, qu'est-ce que t'as un problème? Toi, tu te fous de ma gueule? Il dit, non, il dit, pas du tout. Au contraire, je réfléchissais, je me disais que t'aurais pu être mon fils. Il dit, ah bon? Et comment ça? Et il dit, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ben, il dit, il y a 20 ans, un jour, j'étais complètement bourré, j'avais enculé un perroquet. Elle est magnifique, ça va! Oh, j'adore! Bravo, Jean-Marc Bigard! Jérôme Commandeur. J'ai lu un article passionnant dans le très sérieux journal Le Monde. Et l'article reprend les conclusions d'une étude scientifique britannique sur... Vous saurez tout sur les zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpellé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. J'aime bien cette chanson. Vous qui voulez vous présenter à France Télé, vous pourriez faire démarrer les JT avec ça. Ouais. Sympa. Ah, il a toujours de bonnes idées. Alors, Valérie, d'ailleurs, notre experte zizi... Ouais. Mais non, mais vous pouvez pas me lancer comme ça, Valérie, si. Votre experte zizi. C'est la Harry Roselmack des zizi. Alors, quelle est votre question, Cyril? Eh bien, je vais vous la poser. Valérie, est-ce qu'on a mesuré celui d'Harry Roselmack d'ailleurs? Est-ce qu'il était dans l'étude? Mais non, mais oh, ça va pas ou pas? Je crois que celui d'Harry Roselmack qui fait 7 à 8. Vous êtes drôle. Allez, Valérie Benaïm, oui. Vous avez 30 secondes. Si vous voulez que Philippe Rizzoli fasse le... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, merci. Alors, vous avez une minute. En 30 secondes, Valérie. Bon, 30 secondes, ok. Pour me dire quelle est la taille moyenne d'un pénis en érection en Europe et au Moyen-Orient, top! 16. C'est moins. 15. C'est moins. 13. C'est moins. 12. C'est plus. 14. C'est moins. 13, 20. C'est moins. 13, 50. Attends, 13, 10. C'est plus. 13, 15. C'est moins. 13. C'est moins. 13, 12. C'est gagné. Et voilà. Et maintenant, Valérie Benaïm. va jouer donc pour la vitrine de Zizi dans un instant. Ah non, mais c'est honteux. Voilà. Et moi, je trouve que c'est très dangereux, ces études. Pourquoi ? Mais parce qu'après vous, déjà, comme vous êtes hyper susceptibles là-dessus, les garçons, et vous êtes toujours qui aura la plus grande, la plus grosse, la plus forte, la plus virile, la plus truc. Du coup, ça va vous, vous allez être culpabilisé, vous allez vous mesurer, vous allez dire, oh, je suis pas, j'ai pas 9, j'ai 8 et demi, mon Dieu, c'est la catastrophe. D'ailleurs, enfin... je vais poser la vraie question dans un instant. Qui a déjà mesuré son zizi au tout l'avez tous fait. Nous tous ici, on a tous mesuré notre zizi très non, souvent. Pas Pierre Belmar. Bon, peut-être pas, mais. Pierre, vous avez déjà mesuré votre zizi ? Non, c'est vrai. Eh ben, on vous va le faire tout à l'heure. Merci. Pour la libération de Paris. Oui. Je trouve que Valérie, vous abusez, quoi. Mais vous êtes malhonnête. Mais quoi? C'est vous qui observez la taille de notre zizi. Mais pas du c'est tout. C'est vous, arrêtez. C'est elle pas vrai, vous mentez. C'est quand vous dites vous, vous pensez qu'à Valérie Benahimé. Mais non, mais les vous femmes, les femmes. Les femmes. Bah, évidemment. Mais pas du tout, arrête. Non, non, mais je suis un peu d'accord avec Gilles Vernès. D'ailleurs, j'ai mal à mon zizi. Mais non, les femmes, on n'arrête pas de vous dire la taille, ça compte pas. Ah bah, je vous le dis, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez déjà mesuré le zizi de Fatou? Mais non, mais les filles, regarde si le zizi est dur ou pas, Valérie. Parce que ça, c'est mensonger. Allez, vous mentez aux Français, Valérie Benahimé. Je l'ai jamais vu aussi. Vous êtes une cochonne et les auditeurs d'Europe 1 ont le droit de savoir. Alors, s'il vous plaît, Jean-Pierre Foucault, face aux Français, est-ce que vous pouvez me dire droit dans les yeux, à moi? Oui. Est-ce que vous avez déjà mesuré votre zizi ou pas, Jean-Pierre Foucault? Avec une règle d'écolier, vous savez. Exactement. Ouais. Le problème qu'on a avec la règle, c'est qu'il y a une marque de zizi après. Quoi? Bah oui, parce que le zizi est toujours un peu gras. Mais non, mais. Non. Vous avez le zizi gras, vous. Non, mais tu vois, ça, j'aurais jamais osé dire. Pour te dire. Philippe Bouvard doit se retourner dans sa tombe. Ah non, il est pas mort, excusez-moi. Le zizi gras. Jean-Luc Lemoine. Et puis bien sûr, c'est l'évêque de l'humour, l'enfant de cœur du bon mot, la bonne sœur de la Évidemment. Allez, vas-y, ça commence. Celui vers qui je vais encore me rapprocher parce que je suis au milieu entre Valérie Benahimé et Jean-Luc Lemoine et j'ai choisi mon camp. Oh, Jean-Luc Lemoine est bien sûr avec nous. Vous avez bonjour à tous. Le chouchou. C'est pas ça. Posez-vous les bonnes questions. Oui, voilà. Simplement. Alors, c'est vrai que je prends un peu sur mon temps pour préparer des gâteaux à Cyril. mais si vous mettiez un petit peu du vôtre. C'est une icône, voilà, c'est ma Cléopâtre, l'étoile vers laquelle je me tourne lorsque je suis perdu. Votre Cléopâtre, carrément. Oui, ouais. Oui, je vais vous parler de la sublime caca, Kim Kardashian. Non, mais elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est dégueulasse. Non. Physiquement. Ah, je déteste. Ah, ouais. Elle ressemble à rien et tout. J'aimerais bien la voir au réveil en plus, celle-là. Oh, c'est suspect de la trouver moche. Mais pourquoi c'est suspect? Mais parce que tu trouves que c'est normal d'avoir des fesses en guéridon? Je suis désolé. Non, mais t'es quand même très violent. Mais non, mais je la trouve vraiment pas belle et je pense qu'elle est très très bien arrangée et tout. Et je comprends pas que d'un seul coup on idolâtre une fille comme ça qui, je pense qu'il y a tout un staff, il y a même toute une entreprise de BTP qui travaille dessus toute la journée pour la rendre jolie. Et alors que franchement, qu'est-ce qu'elle a fait à part faire une sextape? Joséphine, elle s'est rajeunie de 3 ans. Laquelle? Pour le mariage. Bah, je garde un. Joséphine de Bois.